Oi! Bonsoir, mesdames. Bonsoir, mademoiselle. Messieurs, bonsoir. Mercedes. Botenayo. Africa Tiborico Nato Pinayo. Yaka Yaka Bolingo, nous avec moi. Yes.